Où? À la page des petites annonces, tiens. Offre d'emploi, demande d'emploi, situation. Ce n'est pas ça, voyons. Apprenez à jouer de la guitare en 20 leçons. Plus besoin d'interprète. Apprenez les langues avec Linguaphone. Allons, donne-moi ce journal. Villa louée sur la Côte d'Azur. Adressez-vous au syndicat d'initiative de Nice. Ah, voilà. Occasions diverses. Livres, tableaux, bijoux, etc. Il n'y a pas de mal à vendre. Tant pis, nous en achèterons une neuve. As-tu écrit à M. Julliard pour le remercier? Non. Alors fais-le tout de suite. Et attention à l'orthographe. Les mots ne s'écrivent pas toujours comme ils se prononcent.